Aujourd'hui, quatrième épisode pour l'amour de Péronne. Guillaume a à présent la soixantaine, il est célèbre dans l'Europe entière et les plus grands, rois de France compris, font le voyage de Reims pour le rencontrer. Il vit là, comme chanoine, dans une belle maison de Reims qu'il partage avec son frère Jean et les miniatures le représentent sans barbe, tonsuré ou coiffé d'une calotte noire, habillé tantôt d'une robe noire, parfois d'une robe rose ou bleue. Et c'est à ce moment qu'il écrit son chef-d'œuvre « Le voir dit », l'histoire vraie d'un amour courtois. Peut-être le dernier amour courtois de notre culture, du moins sous cette forme. Pourquoi ajouter « voir dit », histoire vraie, et s'engager à ne pas mentir alors que tout est peut-être imaginaire? En tout cas, l'histoire commence par une lettre. Guillaume est visité un jour par un sien ami, et celui-ci lui confie une lettre scellée de cire verte. Elle est de la main d'une jeune et belle dame qui a à peu près 20 ans, séduite par la réputation de Guillaume et qui se sent prise pour lui d'une passion très vive. Elle lui remet un rondeau qu'elle a composé en son honneur. Celle qui jamais ne vous vit et qui vous aime loyalement, de tout son cœur vous fait présent. Car pour tous les biens que de vous on dit, tout le monde, communément, conquise l'avait, bonnement renommée. Oui, plus vue donc. C'est la fin de l'été et le début d'une correspondance entre Péronne, dame d'Armentière, et Guillaume, qui, sans se voir, se donnent leur cœur. Tout cela s'inscrit dans une tradition bien connue depuis les correspondances d'Héloïse et Abélard et la lyrique courtoise jusqu'au roman de la Rose qui a enchanté des générations et des générations en Europe. Ce qui est nouveau, c'est la forme. Il y a dans ce livre où Guillaume consigne cet amour un récit en vers, des miniatures et des œuvres musicales sur les rondeaux, ballades, lais et virelais qui scandent cet amour. Il y a aussi un échange de lettres entre Guillaume et sa dame. Six filles seront d'elle amoureux en chemin et la transcrit en parchemin, nous dit Guillaume. Et à un autre moment, Laure appelait mon secrétaire et lui dit « Prends doux papier, je veuille écrire ». Et Guillaume est fier d'innover dans la forme, fier d'appréhender de nouveaux matériaux et d'écrire non seulement sur du parchemin, mais aussi sur du papier. Et ce qui est nouveau, c'est que la dame répond. Ce qui est nouveau, c'est que le héros de l'histoire n'est pas un prince ou un chevalier, c'est Guillaume, c'est un clerc, peu habitué aux faits d'armes chevaleresques, c'est un clerc, et en plus, il est vieux. Les classes sociales de l'amant et de la dame ne sont pas égales, leur rôle non plus, la dame est jeune, belle, active, hardie en amour, elle occupe la place du prince, du chevalier, et elle demande à Guillaume d'écrire et de chanter son amour. Douce dame, j'ai fait le chant sur le grand désir que j'ai que je vous vois comme vous me l'aviez commandé. Et vraiment, il me semble moult étrange et moult nouveau. Il y a longtemps que je ne fis si bonne chose à mon gré, et les teneurs sont aussi douces qu'une bouillie bien sucrée. On pourrait la mettre sur les orgues, sur cornemuses ou autres instruments, c'est sa droite nature. Aussi, le vous enverrai le plus tôt que je pourrai. Pas plus qu'on ne pourrait les étoiles nombrer quand on voit luire très clairement, ni les gouttes de pluie et de la mer, et le sable sur quoi elle s'étend, ni faire une carte des étoiles au firmament. On ne peut penser ni concevoir le grand désir que j'ai de vous voir. Ma très chère et souveraine dame, écrit Guillaume, je vous supplie encore, aussi humblement que je puis, que vous me veuillez envoyer votre douce image au vif. Et je vous jure et promets que, à mon pouvoir, jamais Lancelot n'aima Geneviève, ni Paris Hélène, ni Tristan Iseult, plus loyalement que vous serez de moi aimé et servi. Car je vous aimerai, obéirai, servirai, tant comme je vivrai. Et quand je mourrai, mon cœur vous laisserai et enverrai, ce sera mon testament. Au printemps, Péronne lui fait parvenir son portrait et Guillaume enfin la voit. La dame a un chaperon, c'est-à-dire un capuchon d'azur fin, orné de perroquets, tous pareils et verts. Chacun porte écharpe azurée au cou et à l'aile droite blanche. Les perroquets qui regardent pour certains vers l'avant et pour d'autres vers l'arrière, comme toute dame doit regarder à dextre et à senestre pour garder son honneur. Sur la tunique, elle porte un tissu de Bruxelles très doux, blanc, fourré d'hermine royale, blanche elle aussi. Et la dame tient une hermine par une chaînette d'or fin, terminée par un anneau d'or sur lequel brillent des lettres d'émail qui disent « Gardez-moi bien ». La rencontre est prévue pour juin dans un riant verger à l'ombre d'un cerisier. Guillaume y court, accompagné de son secrétaire. La dame arrive seule, s'assoit sous la feuillée, laisse tomber sa tête sur le sein de son ami et feint de sommeiller. Le secrétaire pose une feuille sur la bouche de la dormeuse et défie son maître d'y cueillir un baiser. Guillaume accepte. Le secrétaire au dernier moment retire la feuille et Guillaume effleure les lèvres si désirées. La belle se réveille et dit moult doucement « Ami, vous êtes très outrageux. » Ce qui me fit imaginer, dit Guillaume, et certainement espérer, que ce pas ne lui déplaisait. 8 jours se passent ainsi. Le désir est communication différée, communion charnelle, mystique, lyrique, dont le baiser non donné est le sommet. Sans cœur, écrit Guillaume, dolent, de vous départirez. Et sans avoir joie jusqu'au retour, puisque mon cœur du vôtre a dû partir. Mais je ne sais de quelle part irai, pour ce que plein de douleur et de pleurs, sans cœur, dolent, de vous départirez, et sans avoir joie jusqu'au retour. Une deuxième visite entre Péronne et Guillaume a lieu à Saint-Denis, lors de la foire du lundi. Comme il y a beaucoup de monde à l'auberge, il n'y a plus assez de lits, et Péronne propose à Guillaume qu'il prenne place dans l'un des 2 lits, ce que fait Guillaume. « Dieu sait que de la gésir, c'était mon plus grand désir, » lui dit-il. Et là, le sommet de la fine amour arrive. L'amant et la dame sont couchés, dans le noir total, nu à nu. Elle dort et lui est comme une souche, nous dit-il, de sentir sa dame en cette souche. Elle s'éveille et moult doucement tous et dit « Ami, êtes-vous si, accolez-moi sûrement. » Et Guillaume de se croire au paradis terrestre. Il entre dans ce rite amoureux équilibre entre le corps et le cœur, entre le don et le refus, entre le désir et l'assouvissement. Le lendemain, au moment de se quitter, Péron lui donne une clé d'or fin. Cette clé porterai, ami, et bien la garderai, car c'est la clé de mon trésor, celle de la ceinture un peu particulière qu'elle porte. Je vous en fais, Seigneur, des or. C'est mon honneur, c'est ma richesse, c'est ce dont je puis faire largesse. Longuement me suis tenu de faire un lait, dit Guillaume, car d'amour était tenu. Mais désormais ferai chant et virelet, j'y suis tenu. Je n'en puis mais, car pris suis et retenu, et au cœur touché de deux yeux verts, perçants, charmants, aigus, riants et gais. Car madame, par un doux et riant regard, a fait une flèche d'ardent désir et d'espérance. Et là, on arrive au point de basculement de l'histoire. Non seulement la possession a eu lieu, ou en tout cas ce qui en tient lieu dans ce que certains ont appelé la névrose courtoise, non seulement Guillaume a la clé du trésor de sa dame, alors que d'habitude, ce qui est entrevu comme éventuellement possible à la fin de l'histoire, c'est cela justement, mais surtout l'histoire va finir dans le désamour, dans l'hiver, au moment où on fait feu en salle et en chambre, elle va finir dans le souvenir et surtout dans l'écriture. Guillaume est clair, il n'est pas chevalier. Et comme tel, même si dans la réalité nous n'en savons rien, il est décrit comme petit, rude et nice et désappris, et en lui n'a sens, vaillance, bonté ni bioté, par quoi les doux yeux de sa dame dussent voir ou regarder. En d'autres termes, il n'appartient pas au monde courtois. Et alors on retrouve Fortune qui rend les choses instables, qui bestourne tout, qui tourne tout à l'envers, comme le désir, comme le cochet avant, c'est-à-dire comme la girouette. Le tout sur fond de peste, qui empêche les amants de se rencontrer. Et Guillaume, au loin à Reims, apprend que Péron se moque de lui et de ses amours avec les jeunes gens qu'elle fréquente à la cour. Il est ridicule, on rit de sa passion. Puisqu'en oubli suis de vous, douce amie, écrit-il, vie amoureuse et joie, adieu je dis. Néfaste fut le jour que mon amour en vous gémit, puisqu'en oubli suis de vous, douce amie. Mais je tiendrai ce que j'ai promis, c'est que je n'aurai nul autre amant, puisqu'en oubli suis de vous, douce amie, vie amoureuse et joie, adieu je dis. Et ce temps. c'est l'échec de l'amour courtois. Mais en même temps, c'est cette affirmation orgueilleuse qu'un clerc peut prétendre à cet amour, et a finalement le dernier mot car c'est lui qui écrit les poèmes. Il ne les écrit plus pour son seigneur, il les écrit pour son propre compte. Certes, il n'écrit pas pour la valetaille. Il ne faut pas porter sa harpe en taverne, dit-il, car les chevaliers, dames et damoiselles qui ont les mains poteleuses et belles, clercs, écuyers et toutes bonnes gens, doivent ouïr mon son courtois et gens, et non pas vilain, ni garçon, ni merdaille. Mais pourtant, à part celui qui fut son premier maître, le vrai chevalier, Jean de Luxembourg, l'éloge de Guillaume reste limité. Il nous dit surtout l'unité de l'expérience humaine. Il nous dit que son histoire amoureuse peut se mêler à celle des chevaliers. Péronne a-t-elle existé? Pour le reste, personne n'en sait rien. Cette histoire est-elle vraiment réelle, autobiographique? Nous n'avons pas de renseignements hors ce que nous dit Guillaume lui-même. En tout cas, il affirme sa primauté de musicien, d'écrivain. C'est lui qui, au final, écrit le livre où il se met en scène et il dit vrai. Les moqueries dont Guillaume parle ont-elles une existence hors de l'histoire?